pirate arrive à deux RS. On prend salaire, un yacht au large de la mer. Omar foie gras, des vols et de l'ivresse. Wesh, ton équipe à Maro dans la ville, on fait des tresses. Moi, une bonne brune se fait bronzer avec des tresses. Hola, hola, hola, hola. Criminel depuis l'escola. J'entre ma sacoche même dans le sauna. Seul enfer nous impressionna. Que des frères sur le même gâteau. Si t'as fait rompre le tâteau. Devoir te faire c'est un cadeau. Et rompre ta yote et maille. Hey, why, wa, habibi. Money, one, Lamborghini. Hey, why, wa, habibi. Comme la mafia d'Italie. Viens voir comment je bibi. Big back, habibi. Money, one, Lamborghini. I do nothing with one midi. Ni comme moi. On a les bits comme un joueur de foot. Ouais, mais comme moi. On est que avec elle, calme, fais pas le fou dans le route. J'encaisse et j'encaisse, mais je suis toujours le même. Papy dit toujours le M quand je cherchais des colis en 2013. J'écoutais la crime, toujours le même. Pour rouler sur l'or, il faut que je marche sur qui? Habibi, Habibi, faut que je marche sur qui? Ils font battre les cowboys, ils font de la country. On fait sonner les machettes et les courcris. Souvent, je suis dans Cévis. Souvent, je suis dans XO et je suis dans Srix. Son poignard dans son œil gauche, fils de pute ne voit plus que d'un œil comme l'antéchrist. Deuxième phase, ils sont dans le déni. Y'a son ATM sur le crépit. On défile dans ta ville comme des légionnaires. Il nous manque seulement le blanc képi. Habibi, Habibi, faut qu'on s'y mette. Je tapais sa tête comme un cimetière. J'ai pris ses plaquettes et sa zippe. Tu es dit que la vie est ainsi faite. Hey, why, wa, habibi. Money, one, Lamborghini. Hey, why, wa, habibi. Comme la mafia d'Italie. Viens voir comment je bibi. Big back, habibi. Money, one, Lamborghini. I do nothing with one.